Extrait de l'article Soi, écrit par Diderot. Monsieur Bon, entre parenthèses savant et magistrat français, auteur d'une dissertation sur l'araignée, fit voir à la Société des sciences de Montpellier une paire de bas, faits de soie d'araignée, qui ne pesaient que 2 onces et 1 quart, l'once voit à peu près 30 grammes, et des mitaines qui ne pesaient qu'environ 3 quarts d'once. Ces bas et ces mitaines étaient aussi forts et presque aussi beaux que ceux qui sont faits avec de la soie ordinaire. Ils étaient d'une couleur grise, approchante du gris de souris, qui était la couleur naturelle de cette soie. Mais son lustre et son éclat avaient sans doute été augmentés par l'eau de savon mêlée de salpêtre et d'un peu de gomme arabique. Monsieur Bon, ayant envoyé des ouvrages de soie d'araignée à l'Académie royale des sciences de Paris, la compagnie chargea 2 académiciens d'examiner la soie des araignées pour savoir de quelle utilité elle pourrait être publique. Monsieur de Réaumur, mathématicien, physicien, physiologiste et naturaliste, fut nommé pour cet examen. Et l'année suivante, 1710, il rendit compte de son travail. Monsieur Bon, ayant fait voir que les araignées filaient, d'un certain temps de l'année, une soie dont on pouvait faire différents ouvrages, Monsieur de Réaumur se proposa de rechercher les moyens de nourrir et d'élever les araignées, et ensuite de savoir si leur soie pourrait être à aussi bon marché que celle des vers à soie, et, au cas qu'elle fût plus chère, si on pourrait être dédommagé de quelque façon. On sait que les araignées se nourrissent de mouches, mais toutes les mouches du royaume suffiraient à peine pour nourrir les araignées qui seraient nécessaires pour fournir de la soie aux manufactures. Et d'ailleurs, comment faire pour prendre chaque jour ces mouches? Il fallait donc chercher une autre sorte de nourriture. Les araignées mangent des cloportes, des mille-pieds, des chenilles, des papillons. Ces insectes n'étaient guère plus aisés à trouver que des mouches. Monsieur de Réaumur s'avisa de leur donner des vers de terre coupés par morceaux. Elles les mangèrent et en vécurent jusqu'au temps de faire leur cocon. Il est facile de ramasser autant de vers de terre qu'on en veut. Ces insectes sont extrêmement abondants dans les champs. Il faut les chercher pendant la nuit à la lumière d'une chandelle. On en trouve en quantité dans tous les temps, excepté après les longues sécheresses. Il serait donc aisé de nourrir un grand nombre d'araignées. Mais les araignées se mangent entre elles. Il faudrait donc, pour avoir de la soie, nourrir des araignées dans des lieux séparés où chacune aurait sa case. Alors, il faudrait bien du temps pour donner à manger à chacune en particulier. Les vers à soie ne demandent pas cette précaution. D'ailleurs, ils sont assez féconds puisqu'ils fournissent aujourd'hui une si grande quantité de soie en Europe. On pourrait encore les multiplier davantage si on le voulait. Reste à savoir si la soie des araignées est plus abondante, meilleure ou plus belle que celle des vers.